Une heure après, comme il dormait profondément, il fut éveillé par des larmes qu'il sentait couler sur sa main. Il entendit un soupir singulier. Il ouvrit les yeux. C'était Madame de Rênal. « Ah ! Je te revois avant que de mourir. Est-ce une illusion ? » s'écria-t-il en se jetant à ses pieds. « Monsieur, je viens vous conjurer d'appeler. Je sais que vous ne le voulez pas. » Ses sanglots l'étouffaient. Elle ne pouvait parler. « Daignez me pardonner. » « Si tu veux que je te pardonne, lui dit-elle en se levant et se jetant dans ses bras, appelle tout de suite de ta sentence de mort. » Julien la couvrait de baisers. « Viendras-tu me voir tous les jours pendant ces 2 mois ? » ?»« Je te le jure, tous les jours, à moins que mon mari ne me le défende. »« Je signe, » s'écria Julien. « Quoi ? Tu me pardonnes ? Est-il possible ? Sache que je t'ai toujours aimé, que je n'ai aimé que toi. »« Est-il bien possible ?» s'écria Madame de Rênal, ravie à son tour. Elle s'appuya sur Julien, qui était à ses genoux, et longtemps ils pleurèrent en silence. À aucune époque de sa vie, Julien n'avait trouvé un moment pareil. Bien longtemps après, quand on put parler, « Et cette jeune Madame de Michelet ? » dit Madame de Rênal, « ou plutôt cette Mademoiselle de la Mole, car je commence en vérité à croire cet étrange roman. Il n'est vrai qu'en apparence. » répondit Julien. « C'est ma femme, mais ce n'est pas ma maîtresse. » En s'interrompant 100 fois l'un l'autre, ils parvinrent à grand-peine à se raconter ce qu'ils ignoraient. Les transports et le bonheur de Julien lui prouvaient combien il lui pardonnait. Jamais il n'avait été aussi fou d'amour. « Laisse-moi, » continua-t-elle, « je veux raisonner avec toi, de peur de l'oublier. Dès que je te vois, tous les devoirs disparaissent, je ne suis plus qu'amour pour toi. » Ou plutôt, le mot « amour » est trop faible. Je sens pour toi ce que je devrais sentir uniquement pour Dieu, un mélange de respect, d'amour, d'obéissance. Je veux voir clair dans mon cœur. Car dans 2 mois, nous nous quittons. À propos, nous quitterons-nous ? Lui dit-elle en souriant. Si nous mourions tout de suite ? Lui dit-elle enfin. Qu'est-ce que l'on trouve dans l'autre vie ? Répondit Julien. Peut-être des tourments, peut-être rien du tout. Ne pouvons-nous pas passer 2 mois ensemble d'une manière délicieuse ? 2 mois, c'est bien des jours. Jamais je n'aurais été aussi heureux. C'est me commander que de parler ainsi, dit-elle avec un sourire timide et mélancolique. Eh bien, tu jures, sur l'amour que tu as pour moi, de n'attenter à ta vie par aucun moyen direct ni indirect. Songe, ajouta-t-il, qu'il faut que tu vives pour mon fils, que Mathilde abandonnera à des laquais dès qu'elle sera marquise de Croisenois. « Je jure, » reprit-elle froidement, « mais je veux emporter ton appel écrit et signé de ta main. J'irai moi-même chez monsieur le procureur général. Prends garde, tu te compromets. Après la démarche d'être venu te voir dans ta prison, je suis une femme perdue d'honneur. Il est vrai que c'est pour toi... Son accent était si triste que Julien l'embrassa avec un bonheur tout nouveau pour lui. Il venait d'apercevoir, pour la première fois, toute l'étendue du sacrifice qu'elle lui avait fait. Quelque âme charitable informa sans doute M. de Rênal des longues visites que sa femme faisait à la prison de Julien, car au bout de 3 jours, il lui envoya sa voiture, avec l'ordre exprès de revenir sur le champ à Verrières. Cette séparation cruelle avait mal commencé la journée pour Julien. On l'avertit 2 ou 3 heures après qu'un certain prêtre intrigant s'était établi depuis le matin en dehors de la porte de la prison, dans la rue. Cet homme prétendait jouer le martyr. Julien était mal disposé. Cette sottise le toucha profondément. Il déclarait à haute voix qu'il allait passer la journée et la nuit à la porte de la prison. « Dieu m'envoie pour toucher le cœur de cet autre apostat. » Et le bas peuple, toujours curieux d'une scène, commençait à s'attrouper. Julien avait horreur du scandale et de tout ce qui pouvait attirer l'attention sur lui. Il appela 2 ou 3 fois, à 1 heure d'intervalle, un porte-clé qui lui était dévoué pour l'envoyer voir si le prêtre était encore à la porte de la prison. « Monsieur, il est à 2 genoux dans la boue, » lui disait toujours le porte-clé. Il prie à haute voix et dit les litanies pour votre âme. L'impertinent, pensa Julien. On commence à dire, ajouta le porte-clés, qu'il faut que vous ayez le cœur bien endurci pour refuser le secours de ce saint homme. Ah, maudits provinciaux! À Paris, je ne serai pas soumis à toutes ces vexations. On y est plus savant en charlatanisme. Faites entrer ce saint prêtre, dit-il enfin au porte-clés. Et la sueur coulait à grands flots sur son front. Le porte-clés fit le signe de la croix et sortit tout joyeux. Ce saint prêtre se trouva horriblement laid. Il était encore plus crotté. La plus basse hypocrisie était trop évidente. De sa vie, Julien n'avait été aussi en colère. Un quart d'heure après l'entrée du prêtre, Julien se trouva tout à fait un lâche. Pour la première fois, la mort lui parut horrible. Il pensait à l'état de putréfaction où serait son corps 2 jours après l'exécution, etc., etc. Il allait se trahir par quelque signe de faiblesse ou se jeter sur le prêtre et l'étrangler avec sa chaîne, lorsqu'il eut l'idée de prier le saint homme d'aller dire pour lui une bonne messe de 40 francs ce jour-là même. Or, il était près de midi, le prêtre décampa.